Bon alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcom. Aujourd'hui on va parler des Martiens. Depuis tout à l'heure. Bon. Allez. Alors aujourd'hui, il y a Julien. Salut à tous. Émilie. Bonjour. Raphaël. Salut. C'est pas un téléphone rose. Pas de film de cul. Salut, c'est moi, ma grosse bite. C'est le premier marais. Bon, ben voilà, comme ça, on est dans l'ambiance. Il y a Héloïse aussi. Bonjour à tous. Et Wally. Bonjour. Et moi, voilà. Et ben voilà. C'est son radio laser. Là, c'est radio laser. Que tu rêves. Encore. Bon. Bon, ben, du coup, je commence direct. C'est un film romantique. Voilà. Non, c'est un film martien. Là, martien. Là. Ah oui, bon, Predator. C'est pareil. C'est pas un vrai martien. Donc, c'est romantique. Ouais. Ouais, il y a de l'amour à la fin. Il y a de l'amour. Bon alors je vais résumer le film un peu à la manière de Julien. Alors c'est l'histoire de 6 ou 7 types, ils sont dans la jungle, il y a un extraterrestre et à la fin il n'y a plus qu'un type. Voilà. Voilà. Ah c'est ça ton film. C'est sympa. C'est le pitch. C'est le pitch. Non en gros le pitch c'est un commando de mercenaires qui est envoyé dans la jungle soi-disant pour récupérer des papiers ou des otages et en fait c'est des papiers. Et donc forcément tout se passe très très bien comme ils sont surentraînés, ils massacrent tout le monde en deux. Sauf que sur le chemin du retour, il tombe sur un extraterrestre, donc le Predator, qui a décidé de faire de leur crâne des trophées. Du coup, il les extermine un par un, sauf Schwarzy, qui fait un face-à-face à la fin avec lui, et qui pète ses dents. Voilà. Là, pour le coup, c'est le résumé officiel. Enfin, quasi. Je sais pas si c'était mieux, en fait. C'était pas pire. Non. Et ben voilà. Bon. Donc voilà. Donc est-ce que vous avez vu le film? On l'a vu plein de fois à la télé. 10 minutes. Oui, mais 10 minutes, ça dure pas mal. Bon, vous avez aimé, pas aimé? Il devait pas récupérer des soldats Si, on lui dit que c'est pour récupérer des otages, mais en fait, c'est pas des otages, c'est juste des papiers. C'est ce qu'il faut un peu en rogne en plus après. Est-ce qu'on voit des soldats américains, eux, qui sont déjà été tués? Oui, c'est la première équipe. Ils sont déjà fait dépecer. Ouais, dépecer, en même temps, du corps dépecer. Ouais, en haut, dans l'hélico. C'est ça. C'est un film de Schwarzenegger, quoi. C'est un film de Schwarzenegger, et un peu aidé par Shane Black pour certaines phrases. Ouais, Shane Black, bah, il était script doctor dessus, et puis acteur aussi, au cas où il y aurait eu besoin d'un troisième réalisateur, parce qu'il y a déjà deux réalisateurs sur le film, donc... Carl Weather, lui, acteur. Bill Duke. Alors du coup, on va parler des acteurs, puisqu'on est dessus, et des réalisateurs. Donc, réalisateur, donc, c'est McTiernan. Predator, c'est son deuxième film, et son premier gros film. On dirait qu'il s'est foutu un beau challenge d'aller tourner dans la jungle avec une équipe de gosses ingérables. Il faisait des concours de gros bras la nuit qui arrivaient complètement HS au tournage, sans compter certains acteurs complètement ingérables qui avaient deux gardes du corps pour s'assurer qu'ils n'attaquent pas les autres. Ça, c'est l'Indien qui cause pas. Là. Ah oui, lui, c'était un psychopathe. Un petit peu dans dans la vraie vie, c'est un psychopathe. Ah ouais, c'était un terroriste. Ouais. Donc, et McTiernan, ça a été après le réalisateur de Die Hard 1 et 3. Et les meilleurs. Ce que j'ai noté avec Schwarzy, Last Action Hero. Bon, Last Action Hero et puis Rollerball. Ah oui. Bon voilà, Rollerball, c'est pas terrible. Oui, bah après il a eu des problèmes à cause de l'affaire Pelicano là où il s'est voilà parce qu'il a menti au Sénat ou au Congrès, je sais. Non, au FBI. Au FBI. Ouais. Oui, bon, ils aiment pas qu'on mente aux États-Unis, il aurait pu faire tout ce qu'il veut tant qu'il mentait pas, ça passait quoi. Et Rollerball, pour sa défense, c'est la preuve qu'il a remonté le film. Oui, bah comme ça, ouais, c'est ça. C'est pas du tout la réalisation. Ça a été complètement remonté par la prod, par un troisième réalisateur aussi, et puis le 13e guerrier, c'est déjà la même chose. Hein. Oui, Christian avait repris dessus après, elle l'avait modifié. Donc, puis Rollerball est pas si mauvais que ça, il y a quand même des bons trucs dedans. Il y a Slipknot dedans. Il y a Slipknot dedans. Non, c'est vrai, il y a Slipknot. Et puis... Voilà, donc du coup, dans les acteurs, on a Schwarzenegger. Pareil, c'était un de ses premiers rôles, entre guillemets, sortait de Conan et Terminator, mais ça a été un de ses premiers pas vers la gloire, entre guillemets, quoi. Commando, c'était avant, après. Commando, c'était juste avant, je crois. Juste avant. Ouais, juste avant. Ouais. Puis c'est là qu'il a demandé un de ses plus gros salaires aussi, avec Predator. Commando, il avait déjà demandé un gros salaire, mais Predator, c'est encore au-dessus, quoi. Après, il a envoyé T2, jumeaux et tout ça. Changer un petit peu sa carrière. Un flic à la maternelle. C'est pour moi la flic à la maternelle. Je jouais souvent quand j'étais petit. Ouais, moi aussi, c'est mes souvenirs d'enfance. Ça et Arrête où ma mère va tirer. Grand film. Avec Stallone. Grand film. Oui, toi aussi tu le verras. Par contre, pour Predator, c'est quand même lui qui a insisté pour que ce soit pas juste un homme contre plusieurs extraterrestres, mais un commando contre un seul extraterrestre. Il faut voir quand même, ça change beaucoup la donne du film. Dans le reste du commando, on a Carl Weathers aussi. Donc c'est Apollo Creed. Voilà. Et là, qui joue plus ou moins le traître, entre guillemets, c'est lui, le mec de la CIA, qui les envoie à chercher, soi-disant, des otages pour ramener des papiers, quoi. Donc ensuite, on a Bill Duke. Lui, il n'a pas fait grand-chose d'autre, et il est dans Commando aussi. Oui. Dans, comment ça s'appelle, un film avec Mel Gibson, Comme un oiseau sur la branche. Et il a aussi été réalisateur. Il a fait quelques films, dont Sister Act 2. Ah oui. Et ça a été la fin de sa carrière. Oui. Bah, il est quand même moins bien que le premier. Voyez Lorraine Hill dedans. Je suis forcément d'accord, et c'est en effet la découverte de Lorraine Hill, et du coup qui est rentré dans les Fugees, non, ce film a un gros impact quand même. Ouais, sur ta jeunesse peut-être, mais n'empêche que c'est pas terrible. Aussi, non, il est con. Enfin, même on crache pas dessus, quoi, il est pas si mal que ça. Ah ouais, je. Ah, n'empêche que lui, ça a arrêté sa carrière, ça a arrêté celle de Whoopi Goldberg. Ah non. Ça a été mauvais pour plusieurs personnes. C'était avant ou après Ghost, du coup? C'était après. Pour des gens qui aiment Jack Frost, je le trouve vachement cool. Et moi, j'aime Jack Frost, c'est vrai. Et j'aime pas beaucoup Sister Act. J'adore. Bon, en tout cas, voilà. Après, il y a Jesse Ventura aussi, qui est un ancien catcheur, ancien Navy SEAL. Il a été débauché par Choisy pour Predator et Running Man. Il fait une apparition aussi dans Demolition Man. Et après, il était gouverneur. Bizarrement. Comme quel état? Minnesota. Ouais, Minnesota, c'est ça. Gouverneur du Minnesota. Ah, ouais, quand même. En défendant les droits des gays, le financement de l'école publique et la même ironie. Ah, c'est pour ça. L'anarchie, quoi. Ouais, bah, par rapport à ces rôles de macho ou de réactionnaire, en tout cas. Bah, c'est vrai que pour l'époque. C'est... Ouais, pour l'époque, c'était pas ça mal. Change un peu. Ah, il a joué aussi dans Batman et Robin, tiens. Ah, et dans Le Rebelle, voilà, c'est pour toi, Julien. Ah, non, dans The Renegade. The Renegade, oui. Peu de respect. Donc, on peut refaire un point sur Batman et Robin, si mon vous voulez. Mon Batman préféré. On parle de la poutrelle en gros plan ou pas? Parce que notre fois, ça avait plu à tout le monde, cette histoire. Et, Je donc... mange la carte. Putain. Il y a que des trucs à deux dans celui-là. C'est... Même Bane, il est tout pourri. Mais il est super comique, ce film, en fait. Bah, faut prendre au millième degré. Comme les premières BD de Frost. Jack Frost. Les premières BD de Donc, on retrouve aussi Shane Black dans le commando. Et lui, c'est aussi le scénariste de L'Arme Fatale, réalisateur de Iron Man 3. The Nice Guys. The Nice Guy. Et Predators. Et oui, le dernier Predator en date, justement. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas dire si c'est bien ou pas. Non, moi non plus. Mais les retours sont pas... sont pas foufous. Voilà. Et on trouve aussi comme réalisateur de seconde équipe Craig Baxley, qui a été un cascadeur. Voilà. Et c'est lui qui s'occupait de l'agence touriste, de toutes les cascades de l'agence touriste et tout ça. Et c'est lui qui s'occupait de la scène d'attaque du village. Ce qui fait que c'est vrai que la scène de l'attaque du village, ça ressemble à un épisode de l'agence touriste, un peu. C'était pas réalisé par McTiernan. Non, c'est ça, c'est pas McTiernan qui a réalisé ça. Ça se voit que c'était trop découpé, c'est pas la... Ouais, puis on voit les mecs qui sautent en plongeant et tout ça. Et donc après, on va parler un peu du Predator. Donc d'abord, il y a eu un premier concept par Steve Johnson, qui a été recalé parce qu'il y avait trois articulations au niveau des jambes, mais personne n'arrivait à marcher avec le costume. Même Jean-Claude qui était dans le costume, il n'y arrivait pas bien non plus. Du coup, après, c'est Stan Wilson qui a repris le concept et qui a fait le personnage qu'on connaît, qui a été du coup incarné par Kevin Peter Hall dans le 1 et le 2, parce qu'il est mort à la fin de tournage du 2, du sida, après une transfusion. C'est bien bossé, hein. Ah oui, charge de fou. Non, j'ai tout un Mad Movie spécial Predator. Et voilà. Et c'est aussi cet acteur-là qui sauve Schwarzy à la fin dans l'hélico, c'est lui le pilote d'hélico. Et il jouait aussi dans Bigfoot et le Anderson, c'était Bigfoot. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien ce film. Mais Schwarzenegger malade, on n'en parle pas ? Si. Si, bah attends, on va parler de Schwarzenegger. Eh, mais attends, non, Schwarzenegger, ça a été un des rares à ne pas être malade, Schwarzenegger et McTiernan. Le reste du cast s'est payé une chiasse de tous les diables, mais eux deux sont passés au travers. Non, parce qu'il a perdu 10 kilos. Oui, mais c'est l'eau, c'est la transpiration. Ça, c'était l'effort. Je crois parce qu'il racontait justement qu'il avait été super malade. Oui, ça, c'est l'effort. Et qu'entre la première partie du film et la seconde partie du film, il a 10 kilos moins parce qu'il s'était chié dessus. Oui, parce que la première partie du film aussi, c'était entre guillemets en tournage contrôlé. Il y avait l'hôtel à côté et tout, et la deuxième partie, ils étaient carrément dans la jungle. Mais c'est une histoire d'eau, c'est ça. Ouais, ouais, bah ils ont, c'est les efforts et tout ça, ils ont tous perdu du poids, mais les autres, ils sont vraiment tombés malades pendant plus d'une semaine. Ouais. Donc voilà, oui, il y a eu tout le monde malade. Et ils après, apparemment, ils ont bien bavé. Ouais. Ouais, c'était un tournage assez compliqué. Et pourtant, entre deux, Jesse Ventura, Schwarzenegger et tout s'entraînaient toutes les nuits. À qui ils mettaient le plus fort. À qui soulèverait le plus de fonte et tout ça. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et non, mais tout ce que j'aurais reproché au film Predator, c'est surtout Alien versus Predator. Et... Ah ouais, ouais. Voilà quoi, là. Fallait pas donner ça. C'est pas défendable. Le concept en comics et tout, ça devait être sympa. Les jeux vidéo, il y en avait des biens, mais les films, non quoi. Après, j'aime bien Predator 2. Moi aussi, avec Danny Glover. Avec Danny Glover. Mais et juste... il est ce qu'il est, moi j'aime bien. Il est un peu plus bourrin, mais. Juste, il me donne chaud à chaque fois que je le vois. On voit Danny Glover suer comme un. Ils transpirent tous comme des bœufs. Mais en même temps, c'est parce qu'ils disent que le Predator a besoin de beaucoup de chaleur pour se sentir à l'aise. Voilà. Après, le dernier Predator, je ne l'ai pas vu, et celui d'avant par. J'ai vu celui de Rodriguez, mais voilà. Pas de. Un scénario de Rodriguez, mais réalisé par Nimrod Antal. D'accord. Alors... Mais le scénario de base était bien, et puis quand tu vois le film, tiens, en fait, c'est le premier, quoi. Mais donc, pour nous dire que ce n'est pas la même planète, c'est le même, quoi. Sauf que les acteurs sont moins bons. Ouais, voilà. Il manque du Churchy. Ouais, et puis il manque des seconds couteaux crédibles, quoi, parce que là, clairement, ça le fait pas. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à dire, sur Predator Ah bah oui, on a déjà dit. Ça se regarde facilement, ça. C'est... Oui, ça se regarde tout seul, mais c'est quand même un film qui a marqué une époque. Série La 5. Et film de La 5. Ah oui, peut-être, je sais pas. J'ai gamin. Ouais, c'était en cassette, j'ai vu plein de fois en cassette. Ouais, Vidéo Club. Ouais, moi, j'ai jamais trop compris le statut assez culte de ce film, en fait, parce que ça se regarde facilement. Ça se regarde très facilement, ouais, mais faut se mettre... J'ai jamais trouvé quoi que ce soit d'exceptionnel non plus, comme Terminator, qui lui, pour le coup, est exceptionnel, il y a tout un univers, là, Predator... Ah, Predator, il y a quand même une mythologie qui se crée autour du Predator. C'est fait, quoi. Ouais, c'est plus pour les fans, je pense, de Schwarzenegger, que c'est mythique, plutôt que, franchement, les autres. Ouais, en tout cas, dans le cadre de la science-fiction, c'est pas... C'est fou, c'est comme la grosse rupture de ton qui intervient au milieu de film, où tu t'attends un gros film de guerre à la Schwarzy, puis d'un coup, tu le vois qui se prend des patates dans la gueule, tu dis, oh, merde. Ouais, mais c'est le thème de retour de l'être humain à la nature, quoi, de survival. Mais tu t'attends pas à ce film-là, quand tu vois un film avec Schwarzy, à cette époque-là, tu t'attends à un truc genre commando, il défonce tout le monde sans broncher, et là, tu le vois qu'il se fait porter. Il est en faiblesse et tout. Il est en faiblesse, il se fait porter à une main, balancé dans un coin, tu dis, putain. À mon avis, c'est ça qui a pu s'étonner les gens. Ouais, je pense que c'est l'idée qui se faisait du film, parce qu'en plus, ça s'est vendu comme le film d'action avec Schwarzenegger, point barre. Mm. Et quand tu vois le truc arriver... Et à la base, tiens, petite anecdote, ça part d'une connerie, Predator. Les deux scénaristes qui l'ont écrit à la base, ils disaient, ouais, Rocky, il a affronté tout le monde, et tout ce qui reste, c'est Rocky contre un extraterrestre. Ouais. Et du coup, après, ils ont un peu brodé autour de ça, et à force de broder, c'est devenu Predator. Mais au départ, c'était juste une blague idiote. Okay. Okay. Et voilà. Comme ça, on crée un chef-d'œuvre. Bah ouais. Moi, j'ai une équipe de sauveteurs. L'assassinat, c'est pas mon rien. Bon. Cette mission, c'est quoi ? dans un coin du monde où toutes les règles ont été abolies. Il faut suivre les mecs à la trace, piquer les otages, rembarquer, passer la frontière, pas vu, pas pris, et personne saura qu'on était là. On, ça veut dire qui? Au cœur de la forêt où la mort rôde à chaque instant. T'es coincé ici. T'es dans la merde, Grantin. Tous en piste, les clowns. Tac, tac. Une opération de sauvetage. Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Et menée par un commando d'élite. C'est pas dans la poche, c'est pour ça qu'on t'a... Et soudain... Pourquoi Billy a l'air si affolé? Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. Ils doivent affronter un ennemi indicible. Sainte mère de Dieu. Jamais le monde n'avait été menacé par une telle créature. Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée. Nul ne peut voir le monstre. Pas de sang, pas de mort, on n'a rien touché. Mais il capte la chaleur des corps et celle de la terreur. Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper. Et elle veut nous avoir aussi. Il tue par plaisir. Ah ! Merde, il a été écaillé vivant ! Et chasse pour le sport. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. On va tous y rester. Mais cette fois, il a choisi un adversaire à sa mesure. S'il peut saigner, on peut le tuer. Twentieth Century Fox présente Arnold Schwarzenegger dans Predator. C'est comme ça qu'ils ont voulu faire Super Mario aussi. Puis bah, voilà. En face de Predator à Super Mario. C'est resté une blague. Ouais, bah on ose tout ici. Voilà. Ah, oui, alors en parlant d'oser tout, Julien, c'est à toi. Ouais, alors moi, j'ai... Alors, un film complètement différent du coup. Beaucoup plus intellectuel. Très différent. Mais présent chemin. Encore se faire engueuler. Non, on s'est pas fait insulter, ça va. Non, non, non, c'est Émilie qui m'engueule parce qu'après, on est limite. On est limite. Bon, bah. Des fois, oui. Ouais, mais bon. Bon, avec toi, on le sait. C'est normal. Bon, allez, plaisantement. Bon, allez, présent chemin. Bah, ça y est, maintenant, bah, plaisantement, je vais faire que de le dire maintenant, c'est malin, ça. Non, bah, moi, je vais vous parler du film Rencontre du troisième type. Un film de 1977 avec. Surtout deux Steven Spielberg, plutôt. Avec Richard Dreyfuss. Avec Richard Dreyfuss et François Truffaut. François Truffaut. Français. Ah non, c'est l'autre film. Français, ouais. Français. On en reviendra d'ailleurs du français. Du français, mais tout à la fin. Alors, pas de François Truffaut, mais de comment ils l'ont tourné avec lui, justement, ce film. En fait, c'est l'histoire, donc, c'est autour d'un événement, c'est sur l'apparition d'OVNI sur la planète Terre. Et le film, il est séparé en fait en trois parties. C'est mélangé avec trois personnages distincts qui ne se croisent pas. En tout cas, au début du film. Au début du film, en fait, il y a un personnage donc qui est professeur Claude Lacombe, donc qui est joué par François Truffaut, qui est un chercheur et qui enquête en fait sur l'apparition de plusieurs événements qui sont extrêmement bizarres. En fait, la réapparition en fait d'une escadrille d'avions de chasse de 1945. Et d'un cargo qui avait disparu en 1925 et qui est apparu dans le désert de Gobi. Voilà. C'était pas sa route. Non, la mer est pas si proche que ça. Hein. Peut-être avant. Ouais. et du coup, il décide en fait d'aller en Inde pour étudier des sons émis en fait par des Indiens. C'est en général, c'est pour ça qu'on va en Inde, c'est pour voir les Indiens. Non, ou alors Christophe Colomb, c'est bourré. Voilà, Igor. Pour aller voir les Indiens, parce que les Indiens, en fait, ils émettent une sorte de code, en fait. Et le professeur essaye, en fait, de décoder ce message et de le traduire. Et en revenant aux États-Unis, en fait, il a réussi à traduire ses sons en un code, en fait, qui est extraterrestre. Un code extraterrestre. Dans le même temps, on a deux autres personnages qui apparaissent. On a Gillian Giller, c'est une mère de famille, avec son enfant, Barry. Et un soir, Barry, en fait, est réveillé, en fait, par des événements bizarres. Le frigo qui se vide, du vent, de la lumière dehors. Il est attiré par cette lumière. Et cet enfant disparaît. Cet enfant disparaît. Et dans la même nuit, un autre personnage, donc, joué par Richard Dreyfuss, qui s'appelle Ray, qui est un électricien en fait, qui est parti en fait en intervention en pleine nuit et qui est aussi témoin d'une grande, d'une intense lumière en fait qui lui brûle la moitié du visage. Et ces deux personnages, donc la mère de famille et Ray, en fait, ils sont obsédés par une chose, ces apparitions en fait, et cette image qu'ils ont dans la tête, mais enfin une image un peu mentale d'un coma. Et ils deviennent complètement obsédés par ça. Alors ce qui est un peu étonnant en fait, c'est que l'enfant de Gillian a disparu, mais on n'a pas l'impression qu'elle s'en soucie beaucoup tellement elle est subjuguée en fait par l'image mentale qu'elle a Peut-être qu'elle a reçue. Peut-être qu'en poursuivant cette image, elle va retrouver son enfant. C'est ça, mais c'est pas, ouais, c'était pas évident au début. Ouais, c'est peut-être pas dit, mais voilà. C'est pas dit, mais je l'ai interprété aussi comme ça, quoi. On dit on va pas chipoter. Non. Et du coup, ces deux personnages se rejoignent parce qu'en faisant des recherches de leur côté, ils se rendent compte qu'en fait, c'est ce cône, en fait, c'est une montagne qui s'appelle Devil's Tower. Qui est en fait dans le Wyoming. Et en même temps, évidemment, l'armée américaine qui a décodé un nouveau message des ovnis a balayé la zone en fait en expliquant qu'il y a eu un accident de train avec des fuites de gaz toxique pour que la zone soit complètement évacuée et qu'ils puissent accueillir en fait les extraterrestres sur place. Et la dernière fois que quelqu'un parlait de fuite de gaz, ça m'a fini. Ouais, fuite de gaz, mais elle, c'était des gros gaz. Hein. Ah, puis ça merdait. Puis ça merdait complètement, les gaz. Il a merdé ou pas, du coup? Ouais, alors du coup, les deux personnages sont arrivés en fait sur le site, où là, du coup, effectivement, ils ont joué. Enfin, le professeur Claude Lacombe était aussi sur place, du coup, pour accueillir les ovnis avec leur fameux code. Et du coup, l'ovni, en fait. Apparaît et quand il atterrit en fait il libère plein de personnages, plein de personnes en fait qui ont disparu en fait depuis plusieurs années, quasiment même 50 ans, 70 ans, sauf qu'ils n'ont pas pris une ride. C'est qu'en fait ils sont réapparus à l'âge en fait où ils ont disparu. Et du coup il y a une expédition qui se monte pour aller en fait avec les extraterrestres en fait, dont Ray, qui lui se fiche complètement de sa famille apparemment, puisque sa famille s'est barrée, hein, parce qu'il pensait qu'il était complètement taré, donc ils sont partis. Ah ben, c'est normal qu'ils s'en foutent d'avoir s'il est parti, la famille. Ouais. Et du coup il est parti avec les extraterrestres. Le petit vaisseau spatial il décolle et c'est fini le film. Ah bah c'était bien. Et du coup les mecs qui reviennent, ça fait un peu penser au 4400, non, qui était aussi une série produite par Steven Spielberg. Ouais, ça un peu. Ouais, je pense qu'il s'en est un peu. On a un peu aspiré. Ouais. Alors j'ai eu de la chance, c'est que en fait comme je l'ai pas trouvé en streaming ce film, je l'ai téléchargé en VO. Ah. Oh, ben c'est bien. Et du coup j'ai bien fait parce qu'autrement je pense que j'aurais incendié Truffaut en fait. Parce que en fait c'était complètement con parce qu'en la version française, alors parce qu'en fait François Truffaut parle pas un mot d'anglais. Donc Spielberg a dit tu ne parles que français dans le film. Donc en fait il était avec un traducteur qui à chaque fois lui parlait il traduisait. Mais en fait, dans la version française, ils ont gardé ça. C'est-à-dire que François Truffaut parle français, le traducteur parle français. Donc, en fait, ils disent tout le temps la même chose. Problème, c'est le problème d'une version française qui n'a pas été travaillée intelligemment. Ils auraient dû prendre un traducteur qui parle anglais, tu t'en fous du coup de ne pas le comprendre, mais tu comprends qu'il s'adresse aux autres. C'est la version française qui a été mal faite, en fait, surtout. Bah, oui. Ouais, après, comment tu t'en sors En général, le français parle espagnol. L'espagnol, voilà. Ouais. Ils essaient d'adapter une autre langue. Ou alors peut-être parler une autre langue, mais c'est vrai que du coup, dans la version française, ils l'ont gardé. C'était un peu, ça avait l'air d'être un peu ridicule. Mais c'est pour montrer. Je me suis épargné ça. Et ben voilà, moi, tu t'es pas. Bah, au moins, la moitié du film, ça parlait français finalement. C'est bien. Il t'a quand même fallu 4 jours pour regarder le film. Il m'a fallu 4 jours quand même, oui, parce que ça bouge pas tellement. Hein. On va dire que c'est pas violent comme film. Moi, je me rappelle quand il passait sur France 2, je m'endormais même pas. Ouais, je le finissais jamais. En plus, c'est en couleur. Ouais, je le finissais jamais. 77, quand même. Je le finissais jamais. Je crois que Spielberg a fait que des films en couleur. Hein, non, c'est pas violent. Alors, pour l'époque, c'était novateur. Non, Schindler. Oui, mais c'était pas fait exprès. Oui. Vraiment, excuse, on t'a coupé. Ouais, non, pour l'époque, si on se passe dans le contexte de l'époque, c'était novateur. Mais maintenant, on est habitué à ce que ça bouge un peu plus. Ouais. Plus je pense que même toujours maintenant, ça reste novateur, parce que c'est une vision quand même des extraterrestres qui est assez peu répandue, à part si on parle aussi de premier contact, comme tout à l'heure. Mais ça reste une vision des extraterrestres qui est assez, entre guillemets, floue. Tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas ce qu'ils veulent, c'est pas un franc, c'est pas le gentil extraterrestre à l'Haïti, c'est pas le méchant genre Predator. Là, t'es complètement dans le flou, là, t'es vraiment dans le... Qu'est-ce qu'ils foutent là, déjà? Ouais. Ouais, et puis c'est pas, pour une fois, c'est pas des... C'est pas, genre, c'est pendant des années, et tout, c'est, ils arrivent, ils essayent de communiquer, il y a des études de langue... Ça me rappelle quelque chose, moi. Ouais, si, ça me rappelle bien quelque chose, mais on en parlera plus. Et voilà, donc, c'est pas bourrin, quoi. On va dire que c'est plus basé sur la recherche, sur la manipulation aussi du gouvernement, pour cacher la vérité. Allez, dis-le clairement, tu t'es fait chier. Ouais. Je me suis fait chier carrément. Ouais, j'assume, je vous l'ai dit, je me suis fait chier. À mon avis, il devait être un peu plus court. Je sais pas combien de temps il dure le film. Bah, 2h17. Il aurait raccourci un petit peu, ça aurait pu se passer. Je pense. Pas, mais non bon, voilà, toi, moi, je l'ai pas vu, j'ai que des souvenirs. J'ai des souvenirs, moi aussi, je l'ai jamais fini. C'est vrai que maintenant, à regarder, c'est. Surtout quand t'as vu Indépendance Day, après, tu peux faire autre chose, quoi. Merci Ronan Rémi. Vous avez vu Indépendance Day Vous avez vu Pixel? Oui, j'ai vu Pixel, et je crois que je l'ai en DVD. Je crois que je préfère une version arcade. J'adorais. C'était nul et en même temps génial. Oui, c'est ça. C'était nul, quand je l'ai vu, j'étais content quand même. Oui, c'est ça. Mais non, Pixel, c'est dur à défendre. C'est Ben Stiller. À la base, c'était un... Non, c'est... Non, c'est l'autre. Oh, merde. Comment il s'appelle l'acteur? J'ai oublié son nom. Adam Sandler. Ouais, c'est ça, Adam Sandler qui a dû tout pourrir. Bah, je sais pas, c'est lui qui a tout pourri. À la base, c'était un court-métrage. Et oui, je pense que sur un court-métrage, ça tient un coup. Mais sur un long-métrage, bon... Ça va, le gimmick est rigolo la première fois, mais bon... C'est marrant une fois. Pixel. Et du coup, là, tu parlais de... conspiration un petit peu avec Rencontre du Troisième Type. Oui, bah, le gouvernement cherche. Bah, oui, ils ont inventé en fait une catastrophe ferroviaire pour justement pouvoir. D'ailleurs, en fait, dans le film, on voit des hélicos en train de disperser du gaz mortel. Ça, c'est le. Et tu vois les oiseaux, tous en train de mourir, les humains qui sont restés sur la zone. Bah, je sais pas, on a vu. Ils vont pas mieux, à mon avis. Hein. Et ils sont allés loin quand même. Hein, de, ah, oui. Ah oui, ils sont bah du coup, ouais, ils ont vraiment tout gazé. Quoi. Ils ont gazé tout le monde en fait. Ça reste une thématique récurrente chez Spielberg, entre ça, Schindler, on parle souvent du gazage finalement. Ah bah oui, mais ça. Mais ouais, pour revenir à la conspiration, je voyais qu'en fait Spielberg il s'était inspiré d'un livre qui s'appelle The UFO Experience, écrit par un scientifique qui a été après renié, entre guillemets. Et apparemment, l'État avait cherché à étouffer aussi ce livre, à le cacher, tout ça, parce que ça apparaisse pas, donc tout ça, ça réapparaît dans le film a priori. Le côté complotiste, ouais, l'État nous cache tout. Ouais, c'est ça, ouais. Apparemment, Spielberg, quand il a fait ce film-là, il était quand même dans une grosse phase, il y croyait à fond. Ah, on sortait des hippies, hein. Et puis lui, sortait de Hitty, surtout. Oui. Ouais. Bah non, pas en 77. Je crois que si. Non, c'est bien plus récent. 82. C'est plus tard, 82. Ah, d'accord. Non, j'ai moins l'anecdote avec The Thing. Bah alors, du coup, il s'est dit... Ah oui, c'est vrai, sorti la même année que The Thing. Oui, il s'est fait... Du coup, il a dû se dire, ouais, Rencontre du Troisième Type, ils ont rien compris, je vais leur chier E.T., ça va être mieux. Oui, voilà. Ouais. Oui, bah oui, ça, c'est la même année. C'est la même année parce que The Thing a bidé à cause de E.T. Non, pas forcément à cause de E.T. Oui, mais... Peut-être que les gens étaient pas... Ils étaient pas prêts comme l'a dit Carpenter, ils préféraient le... Un acteur pour refuser le rôle, du coup. Parce que Spielberg, en fait, il voulait que ça soit Richard Dreyfuss, mais il demandait un cachet après Les Dents de la Mer tellement énorme qu'il voulait changer, puis au final, il est revenu à lui parce que personne ne voulait le rôle. Ah oui. Et un peu starlet quand même, Richard Dreyfuss. On l'a plus beaucoup vu après, du coup, je pense. Après, il a fait All West, on parlait l'autre fois, justement, le pilote de Canadair, là, le machin. Et il a fait Piranha 3D après, bien plus tard, un petit rôle. Ouais. Mais c'est vrai qu'on l'a pas tellement revu, mais d'ailleurs les acteurs des Dents de la Mer on les a pas beaucoup revus non plus après. À part Ryan Schneider. Ah si Schneider. Oh, Schneider, pas tant que ça. Il a joué dans une série là, je sais qu'il y avait joué dans Sequest. Ah oui, Sequest. Il a pas fait Super. Non, Tonnerre de Feu après. Non, c'est pas lui. Je crois pas que ce soit lui. Si, c'était Ryan Schneider. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le film Tonnerre de Feu, c'était Ryan Schneider. Ah oui. Et c'est pas la série. Non, oui, pas dans la série. Pas la série. Parce que dans le film, son teneur de feu, il meurt. Son compère, il meurt. Il y a une paille, une conspiration. Donc voilà, il y a une affaire Dreyfuss. Il y a une affaire Dreyfuss. Et un truc à soulever. Petite blagounette. Référence culturelle. Bah non, mais c'est pour. D'où la fameuse histoire Dreyfuss. L'affaire Dreyfuss. Ça vient de là, hein. Il n'y a pas de secret. Qu'est-il devenu de Dreyfuss après Rencontre du Troisième Type? Voilà. 834, M27, tout ça c'est M-Marie 10 jusqu'à M-Marie 12. Ok, ça va faire. 147. Très bien, voyons voir où ça raccorde. Allez, passe. Alors là, attends, il y a un raccord, mais ça, ça nous mène exactement nulle part. Ouais, M-Marie 10. Voilà. Voilà. Alors, les intimes, hein, donc. Alors, présentement, Premier Contact. Donc, c'est un film réalisé par Denis Villeneuve, qui a entre autres réalisé Blade Runner 2049, Prisoners aussi avec Hugh Jackman. Et Jack Gyllenhaal. Voilà, c'est ça. J'arrive jamais à dire son nom. Moi non plus. Jack Gyllenhaal. J'attendais que c'est une histoire de kidnapping, ça. Ouais, c'est ça. Je pas vu. Et d'ailleurs, on retrouve toujours un peu cette ambiance un peu fade. Fade. Comme dans Premier Contact, il n'y a pas vraiment de couleur bien prononcée. Il y a comme un voile blanc. C'est mou, ce terme. Visuellement, c'est mou. Non, c'est recherché. C'est, moi, j'ai bien aimé. Moi, je l'ai vu. On est dans l'ambiance. Oui, il l'a vu aussi. Ouais, c'est vrai, comme ça, c'est un petit peu long. Non. Mais non, au final, c'est vraiment pas mal. Visuellement, c'est pas fou, c'est tout mou, quoi. C'est... Ah, mais comme toi. Oui, c'est recherché, ça a la lunelle. C'est pas un truc de bourrin, non. C'est... Moi j'ai bien aimé, c'est ambiance. C'est écologie, c'est... Enfin... Mais demande le quoi, pour ceux qui l'ont pas vu. Alors... Vas-y, fais-le un résumé s'il te plaît, qu'on rigole. Bah en fait, l'histoire raconte, il y a une invasion de vaisseaux... Non, il n'y a pas d'invasion. Ils posent le vaisseau. Il y en a enfin, plusieurs qui se... Non, mais ils envahissent de manière, on va dire... Ils s'installent. Ils s'installent. Lente. Une colonisation. Ils s'installent dans différents pays, un peu sur toute la Terre. Et en fait, ils vont dépêcher une équipe d'experts scientifiques, dont la chef sera une linguiste, donc l'héroïne, Louise Banks. Et en fait, le but, c'est de découvrir quelles sont les intentions de ces extraterrestres. Et comment ils s'appellent, les extraterrestres ? Alors, ils s'appellent les heptapodes. Oula ! Les heptapodes, parce qu'ils ont sept... Sept pattes. Sept doigts, tentacules. C'est des pieuvres, tentacules. C'est des pieuvres un peu. Ben. Et en fait, quand ils communiquent, donc en fait, ils jettent une sorte d'encre qui est dans un environnement. On dirait de l'eau, mais en fait, c'est pas du tout la même pression que sur la Terre. Et donc, bah, Louise Banks, justement, elle est linguiste et donc elle va tout le temps dans le vaisseau. En fait, il y a une espèce de sas qui est en apesanteur. Et en fait, on a vraiment la sensation d'être avec eux. Enfin, repères. En fait, on n'a plus de repères comme dans le film. Et en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'il y a une double histoire. En fait, on va voir la vie. Enfin, Louise Banks va voir sa vie. À travers la communication des extraterrestres, en fait, elle va devenir comme médium. Elle va visualiser qu'elle a un enfant qui est malade et qui va mourir. Donc, on le sait dès le début, en fait. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est un film qui est adapté d'un roman de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie. Et donc ça a été tiré de... C'est en 98 qu'il a écrit ce roman, et en fait c'est tiré, le film est tiré de cette histoire. Et en fait, ce qui est vachement intéressant, ce que j'ai vachement aimé dans le film, c'est que en fait ça nous apprend plus que il y a une communication qui est différente même au sein d'une même communauté, qu'on sait pas forcément, les mots ne veulent pas dire la même chose, le temps n'est pas le même. Il y a vraiment une idée de pourquoi il y a autant de guerres, pourquoi il y a autant d'incompréhension, c'est qu'on communique pas de la même manière. Et c'est même valable, on communique pas du tout, même entre nous, des fois il n'y a pas de communication, c'est un peu le message de ce qui peut paraître être une attaque, en fait c'est juste une aide, enfin voilà, c'est la façon de comprendre les choses, et c'est un peu dans le fond du film, et donc moi j'ai vachement aimé, alors je sais pas si toi Héloïse tu l'as vu aussi. Ouais, moi je l'ai vu aussi, j'ai beaucoup aimé, en fait moi par contre quand je l'ai vu je pensais que les espèces de petits flashs qu'on voyait de la vie de la linguiste, je pensais que c'était le passé, mais en fait il s'avère qu'après c'est le futur. Exactement. En fait, oui, mais... on peut voir le film autant dans un sens que dans l'autre. Oui. Mais pour. Il représente le temps de manière non linéaire, comme les extraterrestres en question. Oui, mais pourquoi il y a les flashbacks avant? Parce que. Non, mais normalement il y a des flashbacks au début. C'est les trucs avant qu'ils arrivent, les extraterrestres. Mais je comprenais pas. Il y a C'est pas cohérent. Il y a un truc qui est pas cohérent. Je me suis posé la question. Je ne dis pas le contraire, mais c'est un film qui, c'est quand même crédible. Enfin, c'est crédible. C'est pour la science-fiction, oui, c'est crédible. Mais c'est moins crédible que Predator. Et en fait, dans l'équipe, elle va rencontrer son futur, son futur mari. Joué par Jérémy Renner. Voilà, c'est Jérémy Renner. Ouais. Ok. Et en fait, bien sûr, lui n'est pas au courant de ce qu'elle a vu, et en fait, elle va faire le choix finalement de ne rien dire, de cacher, et c'est ce qui va. Elle le sait, et son mari va partir parce qu'il lui a menti. Parce qu'elle lui aura caché. Et tout ça, elle l'anticipe et elle le fait quand même, quoi. C'est-à-dire que à un moment, elle dit que. Enfin, c'est pas ce qu'elle dit, mais ce message qu'elle fait passer, c'est. S'il fallait recommencer, je referais la même chose. Voilà, c'est parce que c'est un morceau de vie. Elle a vu ce qui se passait. Nous, si on voyait, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on changerait quelque chose? Est-ce que c'est finalement pas profiter des bonheurs parce que si elle avait pas fait ça, elle aura peut-être eu jamais d'enfant. C'est ça. Et elle voulait vivre. Donc en fait, il y a vraiment un beau match entre ces deux histoires de. Et c'est justement dans le couple, est-ce qu'on doit communiquer certaines choses, est-ce que... Enfin voilà, il y a tout un tas de... Ouais, c'est-à-dire que dans, entre guillemets, le morceau de malheur qui va lui arriver, il y a quand même quelque chose de très positif, quoi, dans le message du film. Oui. Bah moi je trouvais que c'était chiant. Mec, Moi j'ai bien aimé, juste j'ai trouvé le flashback du début un peu que oui, ça m'a un peu incongru, c'est juste ça, c'est juste ça. C'est vrai qu'il est pas logique finalement. C'est pas logique. Elle ne pense pas encore de cette manière, mais après si tu te dis si elle-même ne voit pas le temps de manière linéaire, après tout le début du film c'est pas le début du film. Oui, voilà peut-être. Mais ça m'a un peu. On perd un peu le. À partir du moment où elle a déjà rencontré les extraterrestres, ça y est le film. Tu peux le mettre comme tu veux, finalement, c'est un cercle. Comme leur façon de communiquer qui est circulaire. Voilà. Vous l'avez pas vu? Non. Non, ouais. Bah maintenant, si. Non, c'est. Puis le fait que ce soit un peu fade, ça rajoute quelque chose qui est flou dans la communication. Enfin, c'est. Il y a des tas de façons de communiquer, de parler. Langage des signes, voilà. Moi, je trouve ça plus simple de s'y projeter, en fait. Enfin, si on peut éviter tout ce qui est fioritures, effets spéciaux. C'est ça. Ah non, les effets spéciaux des cheveux de Louise, ça m'a sorti du film. Quand ils sont dans le bocal, là. Ah oui. Tous les cheveux, c'était le même mouvement, ça m'a sorti carrément du film. Ouais, c'est un truc un peu foiré, ouais. Un peu bizarre. Mais à part ça, moi, j'ai trouvé ça bien beau et. C'est pas trop long, c'est. Ah si, c'est long. Ça va. Pas tant que ça. Ça dure combien de temps? Une heure cinquante-deux. Deux heures. 1h52, ça, c'est la même durée que Predator, je crois. 1h52. Ça dure 57 Predator. Ah, là, le loup, tu le confirmes. Pareil que Predator. Quand t'as pas sonné, toi. Oui, encore, oui, d'accord. Mais il y a plus de psychologie que de, effectivement, de... Non, c'était un drame, quoi. C'est un drame avec un peu d'SF. Non, il y a quand même des... Un dénouement, là. Enfin, un dénouement. Il y a un morcellement, la crise est résumée... assez linéairement. On le voit à la fin, le dénouement de la crise avec la Chine, le machin. Tout s'explique quand même à la fin. Oui, ce qu'il lui dit dans le chef... Ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un dénouement à l'histoire de la crise de l'invasion. Ça, c'est linéaire. Voilà. Et ouais, il a été tourné au Canada, en fait, ce film. Je crois Danny Villeneuve. Bon. Dans... Colombie-Britannique, est... je crois. Ouais. Il est canadien. Oui. Il est canadien. Pourtant, ouais. C'est pas forcément mieux parce que c'est tourné au Canada. Ah non. C'est que c'est moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher, oui. Puis il y a des paysages qui sont un peu plus beaux. C'est vrai que les grandes plaines comme bon, ça. Bon, voilà une bonne fois pour toutes, ton Michoko, toi. Et entre Loulou et toi, la belle équipe de casse-couilles. Sérieux ou... Tiens, mange pas mon nom, toi. Est-ce que c'est le bon moment pour redemander des chips, hein? Bon, ça peut être le bon moment. Oui, oui. Bon, ouais, bon, bah, c'est faut qu'il casse les couilles avec les chips. Et oui, j'ai pas dit, il est sorti en 2016, le film. Décembre 2016. Ah, c'est vrai, ça change tout. Voilà. On se faisait déjà bien chier en septembre 2016. Non, mais de toute façon, avec vous, tout ce qu'il faut, c'est des films bourrins, avec des dégâts à la con. Mais celui-là, non, mais on t'a pas sonné. On t'a pas sonné, toi. T'as même pas le droit de parler. Ouais. Il est vraiment pas mal. Ouais, la communication, quelque part. Voilà, voilà, exactement. On est dans le thème. Voilà. Mais c'est vrai, quoi. Il y a quelque chose d'un peu nouveau, quoi. À chaque fois, c'est les envahisseurs, les martiens, ils sont méchants. Ouais, c'est ce que je disais, ça se rapproche de la rencontre des troisième. Ah, ça, c'est sûr. Au final, c'est pas mal, il y a quelque chose d'assez doux et calme dans lequel on peut essayer d'apprendre quelque chose. C'est bien le seul moyen que t'aies de te sentir intelligent. Est-ce qu'on a Lui, l'approche, elle est c'est intelligent, quoi. C'est pas. C'est pas bourrin. Hein. L'arme à l'œil. L'arme à l'œil. Non, ça, c'est pas bourrin, hein, mais ça peut chier quand même. Moi t'as raison. On ira se faire un escape game, on en reparlera. Ouais. Ouais. Ah, parle-toi. Ah, parle-moi, ah merde. Bah, c'est chiant. Le mec, il est dedans, c'est chiant. Tous les jours, c'est chiant. J'aime pas les gens, c'est chiant la vie. J'aime pas les gens, là, je suis enfermé avec des gens, j'aime pas. Un escape game dans un bus, ce serait bien. Moi, c'était pas Speed, ça. Ça peut être Speed, oui, c'est vrai. Marc, à la RATP, ils font peut-être des escape games, je vais me renseigner. Bah oui, dans les tunnels, tous les jours. Ouais, dans ils font ça d'un certain. Fermé. J'ai vu ça quelque part, dans les vieilles stations de métro. Oui. Ouais. Tu fais ça à Paris, ouais, dans le métro, ouais, t'as un escape game. Et ceux qui perdent, ils passent sous les rails, c'est ça? Ah, ceux qui perdent, ils ressortent jamais, c'est tout. C'est ça. Ah, vous n'êtes pas sorti. C'est le film, là, le dernier métro, non, c'est quoi? Ah non, le dernier métro, c'est pas ça. Non. Il y a un film d'horreur, j'ai vu il y a pas longtemps. Cric ou cri. Oui, Crip. Et le mec, il est dans le métro. Le mec était au muret, qui était une expérience scientifique, qui était au muret. Ouais, je crois que c'est Crip. Ça, c'était dans le rencontre du troisième match, que t'as vu en premier. Ouais, t'as désespéré, la pauvre. Ah, il y a aussi un film avec le métro, c'était tiré d'un bouquin de Clive Barker, là. Comment ça fait, ça? Avec Bradley Cooper et Source Code. Mais non, pour Source Code. Non, c'est Gilligan, ça. Ah, c'est Gilligan. Tiens. Ah non, mais alors je me suis gouré. C'est possible à dire, ça. Midnight Midtrain. C'est le titre d'un film chiant. Ah bah, non, il est tout sauf chiant. C'est très très brutal. Eh bah oui, c'est bourrin. Oui, c'est bourrin. Non, non, c'est pas bourrin, par contre. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant. Y compris maintenant. Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir armes. Pas besoin d'un interprète pour savoir ce que ça signifie. Je suis pas certaine qu'ils sachent faire la différence entre une arme et un outil. La Chine vient de menacer de détruire leur coque. Quoi qu'ils fassent, la France et la Corée suivront. Ça pourrait déclencher une guerre mondiale. On doit parler aux équipes des autres sites. Et travailler ensemble. On a 15 heures avant qu'ils ne déclenchent une guerre totale. Est-ce que tu rêves dans leur langue ? Je sais pourquoi ils sont là. Le nom de Dieu, à quoi elle joue ? Vous me faites confiance ? Bon, bref, on vous a fini de nous faire chier. On va passer à Walid. Hein, t'es dans les films bourrins, toi aussi ? Ouais, voilà. C'est pas bon. Alors, je vais vous parler de The Thing de Carpenter. De quoi ? The Thing. Les gros enfoirés. Tu peux répéter, j'ai mal entendu. De The Thing. Ah ouais. Alors, c'est un film adapté de. D'un bouquin de John W. Campbell Jr. Les ciels et la mort. Je savais pas que c'était un livre. C'est un livre. Et aussi, attends, laisse-moi. Voilà. Qui a pompé. Ah non, non. Qui a pompé. C'est Julien Stanley. Lovecraft. Oui, parce que c'est la même histoire. Ah, monsieur, papa du Cthulhu. Hein, du Cthulhu. Hein, qui a une première adaptation en 1951 d'Edward Hawke. Et qui a une deuxième adaptation. En année 70 avec Christopher Lee, Peter Cushing et Kelly Savalas. Ah, ouais. Qui s'appelle La Terreur. Dans le Shanghai Express, dans les années 70. Oui, c'est pas supposé la même chose. Voilà. Alors, aussi, moi, je vais vous parler de la troisième adaptation, qui est aussi une quatrième adaptation dans les années 2000. J'en parlerai à la fin. Ben voilà. Hein, on va parler du synopsis. Alors, c'est 12 scientifiques américains qui ont recueilli un petit chien, hein, poursuivi par des Norvégiens. Encore, mais c'est ton film, ça. Les chiens, les scientifiques. Hein, là, c'est 12 humains, un chien, d'habitude c'est l'inverse. Voilà. Mais poursuivi que les Américains ont tué les Norvégiens comme par hasard. Bah non, les Norvégiens ils se tuent un peu tout seuls aussi. Oui, mais aussi les Américains qui tuent des Norvégiens, c'est quoi ? C'est les chiens qui tuent les Norvégiens. Voilà. Alors. Et après, les Américains ont dit on va voir ce qui se passe à côté, hein, vu qu'on a foutu un peu la merde. Après, ils disent aussi il y a une tempête de neige. Ah, aussi. Et. Ils vont dans la base des Norvégiens, qui voient que la base est un peu brûlée et tout ça, et aussi qui découvrent qu'il y a une créature, la chose. Oui, dans la vidéo qui ramène. Dans la vidéo qui ramène, oui. Que la chose peut prendre des formes animales ou humaines. Ça, ils s'en rendent compte un peu trop tard. Oui, car qu'elle peut se propager comme une varuche, une maladie, le thème du film. Propagation. Ou comme une idée politique, le communisme. Voilà, l'origine. Aussi. Alors, ça crie une... les Américains ramènent la vidéo et ça crée une mauvaise ambiance de paranoïa dans la base américaine. Car on ne sait pas qui est la chose. Et ça... Qui est le traître et qui ne l'est pas. Voilà. Et en fait, si. Oui, mais après, faut voir plusieurs fois le film pour savoir qui est la chose. Alors, moi, qu'est-ce que je aime bien dans ce film, c'est les effets spéciaux à l'ancienne, qui sont faits par Rob Bottin, qui avait 22 ans à l'époque, entouré de 40 personnes, et il paraît, alors j'ai lu, que l'animal, le chien, le premier monstre, qui est aidé par Sam Houston. C'est possible. Et c'est Rob Bottin qui a fait les effets spéciaux de Robocop, Total Recall, et plein d'autres choses. Oh, c'est un grand mot, quoi, déjà. En fait. Voilà. Et là, Sex aussi, en plus, ils sont vraiment beaux, les effets. Oui, voilà. Beaux. Bon, moi, pour l'époque, moi, je kiffe. Impressionnant. Impressionnant. La première fois que j'ai vu, je me rappelle plus sur quelle chaîne, c'était en deuxième partie de soirée, je suis tombé dessus comme par hasard, et j'ai été scotché. Après. Je me souviens, c'était sur Canal. J'avais pas Canal à l'époque, j'ai dû le voir sur M6 ou sur... moi je pense plutôt sur M6 en Jeudi de l'Angoisse. Les Jeudis de l'Angoisse. C'est sûr, mais je suis pas sûr. Et voilà, après, ah, qui l'a vu, qui l'a pas vu. Ah, oui. Nous on l'a vu. Ouais. Non, en plus, t'as pas vu, toi. Ça m'étonne. Ah, dès qu'il y en a un qui a pas vu le film, c'est Julien. Oh, je te trouve sévère. Ouais, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Top. Moi. Il y a une ambiance de folie. Moi, franchement, si on me l'avait pas spoilé, j'aurais dit que ça aurait pu être pas mal. Oh, on te l'a spoilé ? Ouais. Oh merde. Les gens en plein milieu. Eh, au fait, il va se passer ça. Quoi ? Oh, ah, en fait, à la fin, il reste plus que lui. Parce que, non, j'ai pas dit ça. J'ai juste fait gaffe au chien qui va. Au fait, ils vont tous mourir. Voilà. À peu près, ouais. Enfin, oui. Non, il est top, c'est cool. Ouais, moi, j'aime bien l'ambiance paranoïaque, dans la neige, tu sais pas qui est qui. Tout ennui. Voilà, ça fait. Et ce film fait partie de la trilogie du chaos de Carpenter. Non, pas du chaos. Puis du chaos. Des ténèbres. Bon, des ténèbres. Mes notes. Moi, j'ai rallié du chaos. T'as dit des ténèbres ? Des espoirs. Oui. Ah, mais tu veux que je vais voir si. Bah alors, t'as pas bien pris tes notes ? Oui, trilogie de l'Apocalypse. Voilà. L'Apocalypse, ah oui. Avec l'antre de la folie et l'antre des ténèbres. L'antre de la folie qui est l'occultisme et la religion. Ouais, et aussi Lovecraft. Merci Wikipédia. Et non. Non, merci Mad Movie. Voilà. Et l'antre de la folie, la chute de l'homme, la psychologie. Voilà. C'est ça, si je me vois. Voilà. C'est un peu dans ces notions de survivant qui est malade, qui chacun pour soi, quoi. Ouais, il paraît que c'était aussi une allégorie des MST, tout ça. Ah, parce que c'était en 82, c'était le sida. Ouais. Bah, le film, c'est un peu scratché face à IT, c'est ça pour ça que vous le savez, hein. Et allez, comme il a dit Carpenter, les Américains, les gens, ils ont préféré le gentil extraterrestre aux méchants. Les intérêts. C'était l'image de l'époque. Oui, puis Carpenter a souvent été un petit peu agressif, qui fait que il passe pas en premier, quoi. Voilà. Et aussi qui est sorti en même temps que Blade Runner. Blade Runner, c'était la même période. C'était pas la bonne année, quoi. C'était pas la bonne année. Bah, et le film a juste marché en vidéo club. Mais ça, c'est normal, comme les trois quarts des films de Carpenter. Voilà. Je crois qu'il y a eu un X-Files. Un épisode X-Files dans la première saison qui était adapté. Ils avaient un verre qui leur rentrait dans l'oreille. Et qui je dois chercher. Pareil. Ouais. Il y avait plusieurs séries de science-fiction qui ont pris la base de. Ouais. Il y a aussi le Dreamcatcher de Stephen. Enfin, de. Je sais plus quel réalisateur d'ailleurs. Le verre leur rentre plutôt dans le cul pour prendre leur apparence. Mais... Ouais, c'est fini. L'idée est la même. C'était dans l'oreille. Donc quelqu'un a autre chose à dire sur The Thing alors ? À part que c'est un putain de chef-d'œuvre quand même ? Ouais, voilà. Non, mais sérieusement, vous dites que c'est un putain de chef-d'œuvre alors que. Défends ton film ! Bah, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que celui-là, il a un peu daté. Il a des 82. Quelque chose qui fait que. Niveau. Puis moi, je vais pas spoiler le film, donc. Je l'ai pas spoilé le film. Arrête, je t'ai pas spoilé le film. Tu dis, je fais attention. Le chien, c'est. Dès qu'il arrive, il lèche le. Regarde bien le chien, regarde ce qu'il va faire. Tu vois, il se transmet ça comme ça. Quoi ? Pourquoi tu me dis ça? Ça quoi, en fait? Comment ça, c'est un extraterrestre? Chef-d'œuvre, je dirais pas jusqu'à un chef-d'œuvre. Non, c'est un chef-d'œuvre. C'est un bon film, quoi. C'est un chef-d'œuvre. C'est un très bon film. Tu fais chier que t'es bon, toi. Oh, bah merde, tu fais chier avec ton gamin aussi. Oui, c'est vrai. Pareil. Ça m'emmerde pas. Après, il y a aussi une fin alternative qu'ils ont fait par les producteurs. Que Mac Creedy soit sauvé par un hélicoptère. Oui, mais qui a jamais été officiellement intégré. Non. Mais la fin, c'est surtout qu'il n'y a aucun des deux qui est. Bah, à la fin, normalement, je ne me rappelle plus comment il s'appelle le Black, mais il est contaminé vu qu'il a pris la bouteille de whisky sans demander. Non, a priori, d'après ce que j'ai lu, Carpenter dit qu'aucun des deux n'était contaminé à la fin. Mais ils allaient quand même mourir parce qu'il fait trop froid pour qu'ils survivent. Non, t'as pas, il s'est pas foulé quoi. Bah, c'est la trilogie. Dans le script original, il n'y en a aucun qui survit et aucun des deux derniers n'est contaminé. Il y a un autre film comme ça où il y a un virus et tu sais pas qui est contaminé, tu sais, c'est un autre film comme ça. Il y en a pas mal. Il y en a plein, c'est ça, ouais, peut-être. Je pense que c'est le principe. Il y a Norge décrit sur le côté. Un Norvégien, alors. Qu'est-ce qui leur a pris de voler si bas et de tirer sur un chien et sur nous ? Nous sommes peut-être en guerre avec la Norvège. J'ai personne. Y'a quelqu'un ? Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu crois que c'est un homme ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui ? Je crois que Blair ne tourne plus rond. T'as lui, c'est le commandement, sans savoir s'il n'est pas une de ces choses ! Je ne sais pas à qui me fier. Après, dans le même registre de choses un peu classiques comme ça, un peu paranoïaque, il y a les body snatchers, genre l'invasion des profanateurs de sépulture, ou... Belle transition. The Faculty. Ou les enseignants au Québec. Oh putain. L'inconnu. Oh, le petit Québécois qui déchire. Les Donc profs, c'est à toi. En France. Les profs avec Christian Clavier, là aussi il y a eu l'usurpation, mais... Donc, ce film est résumé par sa catchline française, sécher les cours. C'est une question de vie ou de mort. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, tu vois, c'est très bon là-dessus en France. On va changer le titre pour mettre quelque chose. Par rapport aux Québécois, on est en dessous, quand même. Ouais. Donc, Mais surtout, les enseignants, c'est très loin du film. Au corps, c'est la traduction de The Faculty, parce que nous, qui ne sommes pas très bilingues, on va dire que c'est la fac, mais c'est pas la fac, ça veut dire non, c'est collège, normalement. Prof, en fait. Non, c'est The Faculty. C'est à plusieurs sens, dont le personnel. C'est le corps enseignant. Le personnel enseignant, en fait. Ah, on aurait dû appeler ça le corps enseignant, ça aurait été le corps enseignant, donc. Donc, du coup, le corps enseignant du collège, donc, est un film sorti en 1998 par monsieur Robert Rodriguez, donc, comme on disait, grand réalisateur, connu notamment pour Sin City. Hein, ouais, Une producteur, Desperado ou autre Machete. Ah, Machete, c'est vrai que c'était bien, quand même. Oh, ouais. Ouais, je sais pas, un vrai bonheur. Moi, je ça me fait rire, moi. Un peu le tourné à Chamonix, mais c'est why not. Non, Sin City, c'est super cool. Sin City, c'est pas le premier est pas mal, le deuxième. Mais à mon avis, c'est fait un peu. Non, le deuxième, il va être mis à Evergreen à poil. Ouais, mais on l'a pas même pas bien. Elle se fait baiser dans tous ses films. Non, non, pas dans ceux de Tim Burton, justement. Non, c'est dans James Bond et dans. Tim Burton, bon. Bah oui, c'est pas possible. Non, Sin City est cool. Et donc, d'ailleurs, il y aura pas mal d'acteurs de. Ce casting dans Sin City qui seront repris. Donc c'est un film, on va plutôt parler du scénario. Vas-y, parle du scénario. Ouais, donc il se passe dans l'Ohio au lycée Harrington High. Ah, yeah. Avec le corps enseignant. Le film s'ouvre par une scène nocturne où la principale du lycée se fait tuer par deux professeurs. Ça s'ouvre pas par Elijah Wood qui se fait défoncer les couilles dans un poteau, plutôt? Pas du tout. Ça, c'est la seconde d'après, alors. Ça, c'est la seconde d'après. Après l'introduction, le film commence. Très caricatural et très stéréotypé de film teenager américain. Ouais, mais ça pose bien les personnages. Donc, on nous présente les personnages principaux, donc avec Kazé, en effet, le très cliché Kazé, le souffre-douleur qui se fait éclater les couilles dans un poteau. Il y a Zeke, le dealer, il y a Delilah, la chef des pom-pom girls, Stan, le quarterback, Stockley, la gothique, et Mary Beth, la nouvelle élève. La Gwyn. Est-ce qu'on peut faire... Non, la Gwyn, c'est Stockley. Ah oui, merci, c'est Stockley. Est-ce qu'on peut faire plus caricatural? On ne peut pas. Bah, il manque le Guy. Il manque le Guy, ouais. Ouais, bon, on a la gothique. À l'époque, ouais, 98, le Guy, j'avais pas trop, tu vois. Ah, c'est qu'il y a pas trop internet, déjà. En attendant, la gothique, elle est limite geek, hein. Elle est même perso que Skyrim. Elle est limite Gwyn aussi. Ouais, elle est fan de science-fiction, c'est elle, un peu. C'est la même. T'as toujours un footballeur américain, mec, te verre. Oui, mais ça, c'est obligatoire. Non. Donc, l'histoire de The Faculty, si vous voulez bien faire vos gueules. On va essayer, mais on promet rien. Donc, en fait, bon, outre la présentation des personnages, voilà, on pose les clichés habituels des films pour ados, constate que les professeurs et les élèves se comportent de plus en plus étrangement, le lycée qui est hyper agité, qui a l'air d'être hyper ghetto, quoi, tout le monde se tabasse, il y a la drogue, il y a les... tout le monde se dispute... Mais c'est un lycée normal. Genre le lycée américain à l'esprit rebelle, mais je sais pas, tout ça, quoi. À la Pro-Zéro. Et, ouais, à la Sister Act 2. Et où à la Sister Act 2. Exactement, et bah en fait, les... jour au lendemain, les élèves se calment, ça devient hyper rangé. les professeurs, tout le monde avance en rang et tout ça, très ordonné, et on les voit souvent consommer beaucoup d'eau, quoi. Alors que normalement, au collège, c'est de la bière. Voilà, ils étaient plus dans l'alcool et le café avant, et la drogue. Bon, la drogue, donc... C'est la drogue. Exactement, parce que donc, un des personnages principaux, Zeke, interprété par Josh Hartnett, dit donc la drogue une sorte de poudre maison sur le campus de son lycée à plusieurs reprises, et qui va être très importante vu que c'est l'arme du jeu. Ouais. Et donc tout commence vraiment au moment où Kazé, donc interprété par Elijah Wood, trouve une sorte de cocon sur le terrain de foot, une sorte de chrysalide, et découvre au contact de l'eau, en fait, il reprend vie et se développe très rapidement et même se multiplie, en fait. Ah, ça me rappelle quelque chose. Se multiplie. Et en plus, c'est une créature, donc il y a plusieurs tentacules et une mâchoire avec des dents qui correspond à rien, et ils en concluent que c'est une nouvelle espèce, et rapidement, c'est une espèce extraterrestre, quand ils se font attaquer par un de leurs professeurs de physique. Qui a lui-même cette créature dans l'oreille. En fait, ça dit dans, on non, voit, on voit les scènes, c'est dans l'oreille, mais lui, il s'est fait mordre. Pas que, il y en a. Il y en a, c'est dans la bouche. Il y en a, c'est dans la bouche. Je crois que c'est juste sur le visage. Comme ils ont des dents, je crois qu'ils juste, ils rentrent. Tant que ça rentre dans un orifice. Même pas. Même pas. Ils font des trous dans la peau. Sous la peau et tout. Ah oui, il y a une scène un peu à la Matrix, c'est vrai, on voit le truc qui passe sous la peau. Ouais, c'est genre, un peu genre comme des gros vers qui vont tout ça. Un peu comme dans la momie. La momie et l'escarabée. L'escarabée, là, ouais. Escarabée, ça marche bien, ça, c'est celle-là dans les films. C'est horripilant, quoi, quand tu vois ça. Donc, bah, là, après, en fait, ça s'enchaîne hyper vite. En gros, là, pareil, par l'allusion avec The Thing, ils sont là. En fait, ils découvrent la drogue dont je parlais avant est un assèche, en fait. Donc, l'arme ultime contre les extraterrestres qui sont composés d'eau et qui ont besoin d'eau pour vivre. Et ils commencent tous à douter les uns des autres de qui est infecté. Donc, il y a justement une scène où ils doivent tous sniffer cette espèce de coke maison pour voir qui est infecté. Il y en a une, justement, Delilah, la pumpkin girl qui est infectée, tout ça. Puis là, ça va très vite. En gros, ils combattent et se rendent compte, selon donc Stockley la gothique, que à part de la théorie un peu du vampire originel, que si on trouve la reine des extraterrestres, tout le monde va redevenir normal. En fait. Oui, c'est la théorie du patient zéro. Quoi. Voilà. Et donc, ils partent d'abord sur l'idée que c'est l'entraîneur de foot, puis après la principale, et en fait, se plante, et il s'avère qu'en fait, c'était Mary Best, la nouvelle élève qui avait débarqué, que personne connaissait. Que, juste le jour où ça a commencé. Juste le jour où ça a commencé, sans déconner. Comme par hasard. Celle que personne ne connaît. Au final, c'est vrai que c'est plutôt trompeur quand même. Moi, j'aurais vraiment pensé à l'entraîneur, au coach. Oui, c'est tout est fait pour le coach. Le truc, c'est quand nous, en tant que spectateurs, on voit le coach buter la principale au début, qui en fait n'est pas morte, hein, parce qu'on voit après qu'elle n'est pas morte, voilà. On comprend. Mais eux, les personnages ne l'ont pas vu, ça, tu vois. Ils n'ont pas vu cette scène, donc ils ne se rendent pas compte. En fait, ils partent d'abord de l'idée que c'est la principale, vu que c'est celle qui a la tête du lycée. C'est vraiment super con. Mais, oui, mais c'est logique. Et pourquoi pas aussi, mais après, ils se rendent compte, ça peut être n'importe où, qui sont, en fait, c'est Mary Best, donc la nouvelle élève, elle-même se dévoile, en fait, quoi. Qui, en fait, rigolait avec eux, puis en a marre de rire, dire, bon, ouais, c'est bon, les gars. Mais surtout, à la fin, il reste plus que le petit geek, et c'est bon, et il reste en effet, c'est assez classique de l'anti-héros, faiblard et tout, un peu rôle de frigon saqué, interprété quelques années plus tard, qui d'un coup devient le dernier espoir de l'humanité, quoi. Et évidemment, ça finit sur un twist assez classique, où finalement, bah, du coup, Kazé, donc le souffre-douleur, sort avec la pom-pom girl, le dealer est devenu quarterback. Et il sort avec la prof de français. Et il sort avec une des profs, en effet. L'ancien quarterback sort avec la gothique, enfin, tout est bien, qui finit bien. C'est à l'américaine, quoi. Et ça circule de partout. Donc voilà, que dire ce film, moi quand je l'ai vu au cinéma, j'avais détesté, j'avais vraiment pas aimé. Sérieux, j'avais surkiffé aussi. Je l'avais pas du tout aimé parce que en fait je m'attendais à avoir peur, je m'attendais à ce que ça se présentait comme un film d'horreur, sauf qu'en fait c'est plutôt un film comique horreur, il y a pas mal de scènes un peu amusantes comme là, justement cette prof de français à qui il va sortir, moi elle se fait décapiter, c'est sa tête qui marche sur des petites pattes d'arrière. Mais ça ressemble un petit peu à The Thing, Et c'est hyper inspirant le fait de The Thing, ce genre de film. Bon, on peut quand même lui reconnaître qu'il y a un casting de malades entre Josh Hartnett et Elijah Wood. À l'époque, eux, c'était pas des malades, c'était des... Eux, ils commençaient... Josh Hartnett avait peut-être fait à voir avec Virgin Suicide. Virgin Suicide, je crois que c'était un peu après Virgin Suicide. Et j'avoue, c'est un enfant star, par contre. Moi, je l'ai connu dans Le Bon Fils avec Macaulay Culkin quand j'étais petit. Oh merde. Le seul rôle dramatique de Macaulay Culkin. Ah, mais oui, tu m'avais montré ce film, j'avais vu Le Bon Fils. C'était vraiment. Enfin, moi, à l'époque, ça m'avait choqué quand j'étais gamin, ce film. Moi, j'avais vu, c'était un truc, l'incroyable Ned ou je sais plus quoi, où c'était un gamin adopté par plein de familles. Oui, mais. C'était à chier. Annie Jarrod aussi, il a joué dans Road to Fall. Oui, alors on le voit 10 secondes, c'est pas. Mais on peut utiliser ses mains, mais c'est pour les bébés. C'est génial. Donc il y a ça, il y a quand même Famke Janssen, il y a Salma Hayek, il y a Jason Patrick qui est quand même venu. Aussi. Jason Patrick, oui. Ah, Salma Hayek. Il y a Usher aussi. Il y a Usher, on ne plus parler du tout. Il y a Usher. Il y a Usher dans ce film. Qui, ça rase. Ça ne rajeunit pas, hein. Et surtout, il est écrit, je sais qu'il y a des fans de Wes Craven à cette table, il est écrit par Kevin Williamson, qui a écrit Scream, et il est sorti 2 ans après Scream. Oui, je sais, c'est pour ça que j'ai été le voir, moi. Bah moi aussi, il fait typiquement partie de ces films qui sont sortis après Scream et qui ont relancé le cinéma d'horreur. Ouais, mais cinéma d'horreur teenager. Ouais, mais bon, c'est vrai que Scream a relancé une partie du slasher qui était mort. Ça a relancé l'intérêt de l'industrie du cinéma pour ça. C'est grâce, je pense que honnêtement, c'est grâce à Scream. Scream, je défends, mais ça a ramené beaucoup de. J'aime pas, moi. Ça a ramené beaucoup de. Mais évidemment, ça a ramené beaucoup de films de merde. Ils sont été derniers. Celui-là a été dernier. Des bien 2, 3, 4, 5, 8. Mais le fait est que si maintenant on a des Conjuring, des trucs plus cool au cinéma, c'est peut-être parce que. Oh là là, tu vas trop loin. Ça, à un moment, les films d'horreur à l'époque, ça sortait direct en VHS pour les passionnés, quoi. Oui. Personne s'est intéressé, quoi. Ça a vraiment fait un espèce de oui, parce que ça a quand même bien renouvelé le genre, qui était un peu tout pourri, c'était sorti avant Scream, quand même, il y a des trucs qui étaient pas terribles, t'étais à Freddy 7, je crois, Razor 4 ou 5, Vendredi 13, 8, enfin. C'était foutu, quoi. Et justement, par ce côté film méta. Teenager, ils se sont mis à expérimenter pas mal de trucs. Ah, mais Scream, c'était pas que Teenager. Scream, il y avait aussi un côté méta dans Scream qui a relancé l'intérêt, et pour les anciens cinéphiles et pour les nouveaux. Et il y a la même chose dans The Faculty. T'as plein de clins d'œil à The Thing, à l'invasion des profanateurs, à Étoile Garde-à-vous, d'Ainlane. D'ailleurs, ils parlent. Et ils parlent de Robert Ainlane, le mec qui a écrit Étoile Garde-à-vous et l'invasion des profanateurs de ses plusieurs, et donc Starship Trooper plus tard. On en parlera un jour. J'espère. On en parlera, Starship Trooper, je pense, j'aime bien. Quand on fera les films nazis, ça va être rigolo. Si. Non, mais le. Il y a toute une thématique entre Papy fait de la résistance et tout ça. Donc voilà, gros casting quand même. Non, moi j'avais pas aimé à l'époque parce que je m'attendais à un peu plus d'horreur. Au final, c'est quand même assez décalé. Il y a beaucoup, en effet, beaucoup de langues, beaucoup de jumeaux aussi. C'est hyper cliché, mais en fait, ça se fait avec beaucoup de recul. Et puis quand tu connais un peu justement Rodriguez qui est quand même. Là, il s'est tenu, là, Rodriguez dans l'excessif, je trouve que c'était plutôt bien. Moi, je l'aime bien, maintenant, ce film, je l'aime bien. Moi, il y a cette, toi, tu aimes, mais cette horrible reprise de Pink Floyd. Ouais, bah, moi, je l'aime bien, bizarrement, je l'aime bien. C'était un gros scandale à l'époque, quoi. Ouais, mais, non, moi, je l'aime bien. Osé, quoi. Ah, j'ai entendu Korn reprendre Pink Floyd, je préfère celle-là. Non, mais Korn, Korn, faut qu'ils arrêtent depuis longtemps, faut qu'ils arrêtent. Ah, mais bon, bah là, voilà. C'est inadmissible, c'est insupportable. Mais celle-là, j'en trouve pas si dégueulasse que ça, et puis elle est dans le thème, au moins. Oui, non, mais complètement, elle est dans le thème, bon. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'aime bien, il y a cette intro, tu sais, des films où il y a beaucoup de personnages où, tu sais, ça s'arrête et on met le bruit. Moi j'aime bien, ça. Moi aussi j'aime bien, c'est cool et ça marche. J'adore ça. Et je trouve que ça permet de te présenter des personnages stéréotypés, en quelques secondes, bam, t'as situé tout le monde. Tu sais quoi. Mais c'est pas mal, ça retourne un peu les codes, c'est mieux. Moi j'aime bien, c'est frais comme film. Ça se regarde bien, c'est sympa. Et c'est moins anxiogène que The Thing. Autant The Thing, c'est vraiment anxiogène, c'est pour ça qu'il est un goût supérieur. Là, c'est pas un huis clos. Puis là, ça finit bien, tout le monde est content, ça se recule dans tous les coins, c'est bon, ça passe. Y a pas vraiment de mort, y a pas. Bah non, ils sont pas morts parce que du coup, le parasite meurt, bof, chacun reprend tout ce qu'on trouve sa place. Ils ont quand même buté la principale, donc je pense qu'elle est morte. Ouais, mais on s'en fout. Parasite principale. Ah, la preuve qu'elle a la tête coupée, elle revient telle quelle à la fin. Alors bon, on peut estimer que la principale, elle va peut-être s'en sortir aussi, hein. Tu l'as vu, Héloïse ? Oui, je l'ai vu. Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Je l'ai trouvé minable. Voilà. Ouais, par contre, elle a aimé Premier Contact. Oui, et ben écoute, pour moi, c'était le même type que Brain Dead. Vous avez pas le même film, c'est tout. Que Brain Dead ? Oh bah non, Brain Dead, c'est bien plus excessif. Non, mais dans le sens où c'est clicheton, il y a des dialogues complètement cons. C'est cliché maintenant, mais à l'époque, ça l'était pas, Brain Dead. The Faculty, ça l'était. Oui, bon, bah voilà. Ça n'excuse rien. Non, parce que c'est pas la même génération. C'est très assumé, quoi. C'est très assumé. Et dans Brunet aussi, c'est très assumé. En même temps, ils ont pas trop le choix. Enfin, s'ils l'assumaient pas, dans. Bah, si ça l'assume pas, ça s'appelle Souviens-toi l'été dernier. Oui. Ouais, non, j'ai pas aimé. Regardez, mais alors là, c'est repassé. Il y a pas longtemps, il y a deux qui est repassé sur RTL9, rien que le début, j'ai cru que j'allais mourir. Oh là là, c'est affreux, c'est affreux. Non, j'ai pas aimé. Vraiment, c'est trop cliché et c'est trop facile, en fait. C'est des solutions bidons. Le truc, il est fait en carton, quoi. Quoi, la grosse bébête à la fin? Ouais, la grosse bébête, le scénario, les dialogues et tout ça, mais c'est... Non! C'est du carton! Non, mais... Bon, sur The Faculty, quelqu'un a encore quelque chose à dire? C'est ou... vrai que c'est pas un cadeau d'être dernier, quand même. Non. De passer en dernier. Non. Bah, d'habitude, c'est moi. Hein. T'es le meilleur pour la fin. C'est vrai. Si, dis-le. Tu rêves! Dis-le. Qui c'est ton papa? Monsieur Daddy. Il se passe des trucs bizarres au lycée. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes. Vous croyez que des extraterrestres ont envahi notre école? Vous avez fumé la moquette, quoi? Ils ont envahi notre lycée en un jour et demi. Et à la fin de la semaine, il n'y aura plus d'espoir. C'est un parasite. Il se trouve un hôte, il s'y fixe. Et ensuite, il le contrôle. Oh merde! C'est maintenant qu'il faut se battre. Et se battre contre qui? The Faculty. Mademoiselle Drake est priée de se présenter dans le bureau du proviseur. Oh, on va te faire foutre, je me tire. Bon, donc The Faculty, c'est bon? Ouais, mmh. Bah pour moi c'est bon, donc Louis nous a bien planté pour Mémoral, pour Belfine. Alors, allez, le cinquième élément de 1997 de Luc Besson. Oh, bah c'était bien. Avec Luc Perry. Merci. Avec Luc Perry. Ah, une minute de silence pour Luc Perry. Oui, Rip. C'est vrai qu'il va mourir. Dylan. Et le mec de Supercopter, il est mort aussi. Ouais. Merde. Bah mais il joue pas dans le cinquième élément. Hein. Si, Luc Perry, merde. Aziz! Lumière. Ça, c'est, je crois que tout le monde se souvient de ça. Ah bah, genre, dans les cours de récré, tout le monde disait ça, quoi. Yeah, lumière. C'est parti de ces gimmicks. Et tout qui reste. Il y a le moule qui passe aussi. Il y a le moule qui passe. C'est deux trucs, ouais, deux trucs bien du film. Ouais. Ça nous rajeunit pas aussi, hein. Allez. Non. Bon, alors, vas-y. Donc, on resitue l'action. Ça commence en 1914 en Égypte pendant des fouilles archéologiques où, en très gros, on a des aliens qui viennent récupérer des quatre pierres qui représentent les éléments principaux pour éviter que ça soit que ça tombe entre les mains de personnes malveillantes pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des gens malveillants pendant la Première Guerre mondiale? Non. Non. Au cas où. Oh, il y a Thanos. Il y a Thanos. Et promettent de les ramener 300 ans après quand l'humanité aura besoin. Quand il y aura Bruce Willis, exactement. Tu commences déjà à m'énerver. Tu commences déjà à me gonfler. T'as pas vu mon film, attends. En même temps, bah. Crucifix. Du coup, 300 ans après, les extraterrestres, ils essayent de revenir, manque de peau, ils sont attaqués. Par la planète du mal, entre guillemets. Alors, les guillemets avec les doigts à la radio, ça sert. C'est pour ça que j'ai dit, entre guillemets. Les méchants. Les méchants. Les vilains. Les méchants. Et le problème, c'est que pendant. Au final, après cette attaque, il va rester, pareil, encore une fois, entre guillemets, un seul survivant, un morceau de main. Pas bien, non. Non, pas bien. Un morceau de main qui va s'avérer être. Un élément, plus cinquième élément. Bah, t'as spoilé le film, ouais. T'as spoilé tout. Non. Donc, à partir d'une main, ils font Mila Jovovich. Ouais. Voilà, à partir de ce morceau de main, ils vont recréer le cinquième élément. Lilou, comment elle s'appelle? Lilou, c'est ça, c'est Lilou. Ouais, non, mais j'ai pas relevé le nom en entier avec quatre mots différents. Non, non plus. Du coup, on peut dire que Mila Jovovich, elle joue comme une main, quoi. Elle compte juste pour une main. Et toi, comme un pied. Oh, mais moi je suis porteur. Et puis, pour aller rapidement, au final, le cinquième élément, donc Lilou, avec l'aide de Corben, un homme qu'elle va rencontrer parce qu'elle va atterrir accidentellement à éclater le plafond de son taxi. Ah, Bruce Willis, donc. Bruce Willis. Ils vont tous les deux devoir retrouver les pierres pour essayer de sauver l'humanité de la planète du mal. Ça ressemble un peu à Indiana Jones, c'est le sample maudit. Ou ça me ressemble aussi à un cobra. Vaguement. Ouais. Voilà, résumé très vite, sans le temps de m'endormir entre deux phrases. C'est bon. Il y a du progrès. Non, mais c'est mieux. C'est vrai que ça a été plus simple à résumer qu'Antarctica. Ouais, mais Antarctica, en silence aussi, c'était très bien. Ça aurait pu. Alors, qu'est-ce que t'en pensais du film, Héloïse ? J'ai beaucoup aimé. Moi, qui suis pas du tout fan de science-fiction, au final, il est très bien passé. Bon, soit, ce qui est visuel, ça... Bah, ça date, hein. Mais l'idée, elle est pas mal. Voilà. Mais tu casses vite en Breaker. En Breaker. Héroïnomane. Ah, je me souviens plus de ça, c'est vrai. Je me souviens de ça, surtout. Ah, je crois que tout le monde se souvient surtout de Chris Tucker. Sa prestation exceptionnelle dans ce film. Donc, j'ai jamais aimé Chris Tucker, mais là... Quand même La scène de baston dans l'opéra avec Chris Tucker est géniale, quoi. Ah, avec les négociations, tu veux dire. Mais la négociation ouais, juste forcée. Juste avant la négociation, il enchaîne des cris aigus pendant toute la scène de tir et tout ça. Bon, en fait, il fait pédale, quoi. Il fait ultra pédale. Oui, mais à l'époque, on pouvait. Là. On pouvait, hein, je parle bien. Mais il n'est pas sexualisé, on ne sait pas. D'ailleurs. Ah là, on est pas d'accord. Si, on le voit se taper l'hôtesse de l'air. Oui, oui, bah grave. Non, il se tape. Enfin, après, mais d'abord, il. Ouais. Oui, c'est vrai. Il n'est pas. Il se la tape pas tout à fait. Ah, les gens qui se mettent bien droite quand même. Il la lâche. Il a la langue dedans, c'est tout. Mmh. Dans quoi? Dans l'hôtesse de l'air. Non mais par où? Hein? Dedans. Mais ouais, mais où? Là où il y a des lèvres. Ah, bah lesquelles? Julien, faut tout y expliquer. Là. Tu veux un dessin? Oui. Là, tiens. Il rapide. Tu sais, c'est comme dans la rencontre du troisième type que t'avais vu en premier. Ah oui. Bah, c'est déjà le troisième type. Ok. Ouais, on aurait vaché le prisonnier, mais c'était plus sale. Donc ouais, comme je disais, moi je suis pas science-fiction, mais bon, au final, ça mêlé avec quand même pas mal de bons morceaux de comédie, c'est passé tout seul, quoi. C'est passé super vite. Ça passe, ouais. Non, moi j'attends toujours que vous descendiez mon film, en attendant vous avez encore rien fait. Hein. Bah attends, pour l'instant t'as pas dit grand-chose. Le but c'est pas de descendre des films. Non. C'est de me descendre moi. Ça c'est une autre émission. Moi, je l'ai vu à l'époque en VHS, qu'on n'avait pas là, hein, qui avait pas la boîte de Bruce Willis. Je crois même au cinéma. Patrick Poivet, non, ouais, mais c'est ça m'a sorti du film. C'était pas le même doubleur. C'était pas le même doubleur. C'est pas vrai. Non, c'était pas Patrick Poivet. Je crois que c'est la seule fois que je suis sorti de la salle de cinéma. Et bon, je l'ai pas fini. La VHS, elle est restée là. Ouais, c'est chiant. Parce que Patrick Poivet, pour moi, c'est la boîte Bruce Willis. Ça va pas plus loin que ça. C'est un mauvais nom, quoi. Ok. Oui, j'aime bien la première partie du film, en fait, quand c'est toujours l'intérêt dans ce genre de proposition, c'est découvrir le monde, en fait. Oui, voilà, l'univers était pas mal. Le McDo, tu vois, son appart, tout ça. Le McDo, c'est une pub géante, ce film. Ah oui, bah, faut bien produire le film, faut pas avoir de l'argent, on va pas dire. Tout le truc automatique, le lit, les machins, tout qui bouge chez lui, tu sais, c'est plutôt pas mal, mais après, ça s'enferme vite, justement, dans leur île paradisiaque, les combats, et ça va très vite jusqu'au retour en Égypte, et bim. Oui, voilà, quoi, c'est une poursuite, y a pas d'ambiance, à part au début. On crée un peu l'univers, et puis après, c'est une poursuite. Ouais. Voilà, t'attarde pas à l'ambiance. On n'a pas le temps de s'ennuyer non plus. Quoi. Ah, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que ouais, l'univers un peu pseudo-technologique du début aurait pu être un peu plus. Mais voilà. Pour développer ce genre d'univers, faut avoir les moyens quand même de le faire. Pour avoir le temps, il peut-être qu'il aurait pu être plus long sans être chiant. Il a eu les moyens dans Valérien. Les moyens, pas que financiers, au niveau du temps et au niveau des idées. L'écriture, parce que. L'écriture de Besson, c'est pas son fort. Non, il a fait Taxi. Il a fait plein de taxis. Ouais, mais taxi 1. Non, mais dans tous ses films, il y a des taxis. Oui, c'est vrai, mais dans le cinquième élément, il y a des taxis. Bah oui, il fait que des taxis, ça mec. Il y a la romance forcée, tu sais, je trouve, qui se tombe amoureux. Tu sais, ça arrive de nulle part, ça. Le film dure une heure. Ça se passe trop vite, d'où ça sort cette romance amoureux, quoi. Il fallait mettre ça, tu vois. Genre, il faut. Ah, non, mais toi, dans un film, il a rien. Il vient de voir une nana au Japon qui tombe à travers le pare-brise, ça peut aider. Voilà, absolument. C'est pas. Et à côté de ça, vous trouvez ça normal que dans Team America, on a deux marionnettes qui sont en train de forniquer alors que l'histoire d'amour, on sait pas d'où elle vient non plus. Mais c'est, Team America, c'est une parodie. Parce que pour fornicer, il faut jamais maintenant se sortir ça. Ben oui, tiens, ça, deuxième ça, point. Alors ça, la première journée, ça. C'est ça. Là, tu m'as fait la journée, là. Ça s'appelle un nom. C'est de la prostitution. Non, ça, c'est quand tu fais ça. Oui, je crois. Non, mais moi, je suis gratuit. Non, c'est une jalope, alors. Oui, j'assume. Je l'engage. Julien est un homme facile. Il ne demande même pas à se faire payer. Bah oui, je suis généreux. Par contre, c'est ses copines qui demandent à se faire rembourser, je crois. Voilà, j'ai un âme. Tu vois, il y a quelque chose de sympa, la scène de chant. Par, mais le chant, il reste. Ou... Ah, c'est pas mal, ouais, par la diva, là. Oui, la diva. Je me rappelle pas. Maïwenn. Ouais, si, moi, c'est juste Chris Tucker, j'aime bien, en fait. Mmh. Ah, moi, c'est Chris Tucker, je peux pas blairer. J'adore. C'était trop marrant. J'ai trouvé un dollar de joueur, il est génial aussi. Non. Si, moi, j'adore. Ça y est. On va prendre un spécial Jackie Chan. J'ai tous vu. C'était mon, ton bon The Rock, tu vois, ou mon Van Damme, tu vois, c'était, moi, c'était Jackie Chan. Ah, Jackie Norris. Ah, moi, les Jackie, je préfère les Jackie, dès ses débuts HK. J'ai cru qu'il y avait Non, les Rush Hour pour moi c'est pas des. Non, les Rush Hour c'est pas bon, mais c'est pas les Jackie Chan que les Shanghai Kid. Ah oui, non, c'est largement au-dessus les Rush Hour. Non, mais je préfère ces films chinois. On en parlera, je peux espérer un jour. Mais je pense qu'on fera un truc avec Jackie Chan. J'ai un travail pour vous. Sauvez le monde. Vous avez 48 heures. L'heure de votre vengeance a sonné. Oh Seigneur. Changeons le rythme. Que la fête commence. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette jeune femme est le bien le plus précieux de l'humanité. Hein. Moi, cinquième élément. Vitrelle désappointée. Balance tout, mec. De 2 minutes. Oh non. Trop tard. Le temps est sans importance. Seul compte, le cinquième élément. Dimanche soir, sur France 2. Ce film vous est proposé en audio description. On va reprendre pour la fin. Donc, est-ce que quelqu'un a des recos sur les films d'extraterrestres à proposer, des films à voir ou des séries? X-Files en série, quoi, l'épisode de la première saison de The Shield. X-Files, les extraterrestres, c'est leur... Ah, c'est leur domaine. C'est leur truc, quoi. C'est leur fil rouge, ouais. Ou j'ai Battlestar Galactica. Venez pour moi. V, les visiteurs, hein. Super série. Non, moi je pensais plus à des films, moi, en fait. Je pensais à Invasion Los Angeles ou les Riddick, qui sont bien aussi. Ah, ou si vous Independence Day. Ah, non, mais c'est oui, Riddick, c'est bien. Invasion Los Angeles aussi, c'est pas Invasion USA avec Chuck Norris, hein, confond pas. Ah non, il n'y a pas d'extraterrestre dans Invasion USA. Ah, ouais, il y a Chuck Norris. Le meilleur. Le meilleur d'entre nous. Non, vous avez, ou l'invasion des profanateurs de cette culture, les originaux qui sont pas mal. Les maîtres du monde aussi, c'était bien. Frère Bogdanov. Ouais, mais ils ont rien fait de bien, par contre, c'est chiant à regarder un frère Bogdanov. Ils suffisent à eux-mêmes, quoi. Ouais. Michael Jackson aussi. Men in Black, le premier. Ouais, Men in Black, ouais, le premier. Le troisième, il est sympa. Non, le premier, j'aime bien. Bah, il y a le remake là. Le international. Ouais. International Men in Black, ouais, je sais pas ce que ça va valoir. C'est fou, chien de faire ça. C'est l'univers déjà fait, il y a juste, ils aiment bien ça. Il y a plus que ça, c'est que de la foire au coup. Bah, j'ai entendu qu'ils vont faire la série Masque des dessins animés en film. Ah ouais? Oh, sérieux? J'ai lu ça. Bah, quand ils ont dit qu'ils allaient faire Transformers, personne n'y croyait et ça marchait. Hein. J'espère que ça sera fait par Michael Bay, Masque. Eh, les Transformers, du coup, c'est des films d'extraterrestres aussi. Ah oui. Ouais. J'ai vu le premier. Le premier est pas mal. Après, le reste, c'est... Michael Bay était en mode automatique. Ouais, mais bon, c'est lui qui a voulu les faire, en même temps. Non, il est par contraint. Ouais, enfin... Et Indiana Jones 4, c'est un film d'extraterrestres ou pas? N'en parle pas du malheur. Mais là, ça compte pas, c'était un hors-série, ça. C'est un univers parallèle. C'est ça. Bon, bah, ok. Oui, Raph, quelque chose à dire? Non. Star Wars, non, ouais. Rien. Alors, Aki, il a pas vu le film d'extraterrestre. Bah, il y a un extraterrestre dans Nowhere. Il y a toujours un extraterrestre dans Araki qui passe ou un truc comme ça, non? Pas forcément. Non, c'est pas ça. Je vois dans Nowhere, et donc Kabloom, je crois que c'est une sorte de conflit de fin du monde, mais. Ouais, genre, ouais, je suis plus sûr si. Parce qu'il y a toujours une transition bizarre, tu sais pas où ça vient avec. Ouais. Ah non? Non, je ne vois pas. Je sais pas de quoi tu parles. Oui, on verra. Mais quoi de mieux comme film d'Alien que de parler d'Alien? Ah bah oui, c'est vrai. Mais Alien, ouais, moi j'aime juste le deuxième, en fait. J'aime bien le premier. Le deuxième, c'est pour moi, c'est le meilleur. Bon, le troisième... Le 4, Bah, le 4, j'aime bien, mais bon... Je trouve intéressant qu'en fait, il y a quatre grands réalisateurs et chacun, c'est un film d'un chacun a posé sa patte dessus, c'est vrai. Tout en regardant l'univers. C'est évident, quoi. Le Fincher, il est évident. Le Jeunet, il est évident. Et c'est un Jeunet et un Alien, quoi. C'est un Fincher. Ouais, ça, c'est vrai. Je veux dire, Fincher, dans tous ces délires de couloirs de prison, c'est ultra anxiogène, c'est ultra dark. Et pourtant, c'est pas très violent, il se passe pas grand chose, mais c'est son truc, quoi. Tu vois, c'est noir, quoi. Tu vois. C'est ça, c'est anxiogène, c'est le mot. Moi, j'avais peur pour le chat dans le premier. Attendez toujours, est-ce qu'il y arrive un truc? Non, le chat, il marche pas, ni dans le deuxième. Ce putain de chat. Bon. Eh ben, on va annoncer le mois prochain. Donc, le thème pour avril, ça va être les poissons. Donc, Julien, tu vas nous parler de quoi? Sharknado. Ah, oh, bah, ça va être bien. Oh, on va bien rigoler. On va vraiment toucher le fond cette fois. Émilie, tu veux parler de quoi? En eau trouble. Voilà. Raph? Le monde de Nemo. Non. Ghost Shark. Ah, et là, oui. Héloïse? Les dents de la mer. Walid. Piranha 3D de Alexandre Aja. Et moi, ce sera Peur Bleue de Rémi Harling. Donc, c'est, pour le prochain, on va vraiment toucher le front. Ouais. Ouais, oh, ouais. La profondeur. Mais oui. Transition. Ouais, ouais, j'avais déjà fait tout à l'heure, personne n'avait relevé. Alors, si, si, c'est ça. Il était vexé. Je n'allais pas dire comme d'habitude. Allez, on fait une petite 3D, on va toucher le front. Julien, quelque chose à ajouter? Bon, jamais. Non. Bon, ben voilà. Et ben, merci à tous et à la prochaine alors. Merci. Merci. Au revoir.